Donc, « Inna alhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'ouzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Sharh, yani Sharh al-Salat, yani huwa kitab Shurut al-Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha, c'est-à-dire les conditions de la salat, de même que ses piliers et ses obligations. Et c'est le Sharh de ce livre par le Cheikh al-Allama Abdul Muhsin ibn Abdul Muhsin Ibn Hamad al-Abbad al-Badr. Donc c'est un des grands savants, un des grands chouyouk de Médine. Et donc il a fait ce charh, cette explication du livre des conditions de la salat et de ses piliers et de ses obligations. Et c'est un charh qui est très très bénéfique. Et le Cheikh Mohammed Ibn Ramzan al-Hajiri, c'est lui-même qui me l'a conseillé. Alhamdulillah, je trouve que c'est un livre très très clair, très très simple, très très bénéfique. Il y a beaucoup d'adillah, beaucoup de preuves, beaucoup de clarifications. Donc c'est très très un très bon livre. Donc l'endroit où on est rendu dans le livre aujourd'hui, c'est Arkan al-Salat. Donc maintenant on va commencer à expliquer les piliers de la salat. On rentre dans les piliers de la salat. Parce que avant ça, on a parlé de la purification du wudu, hein, et des choses qui annulent le wudu, shurut al-wudu, wa nawaqid al-wudu. On a parlé de ça et on a parlé de shurut al-salat aussi, les conditions de la salat. Et maintenant, là, on va rentrer dans les piliers de la salat maintenant. Les piliers de la salat. Donc, il y en a 14. 14 piliers. Donc, on va les lire, c'est-à-dire les énumérer tous ensemble. Puis, on va les expliquer comme le Cheikh les a expliqués, un à un. Parce que dans le livre, c'est ce qu'il a fait, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il les a énumérés d'un seul coup, les 14. Et puis, il les a énumérés par la suite, un à un, en expliquant ou en donnant une petite explication. Et maintenant, c'est ce qu'on va faire avec, on va lire en plus l'explication du Cheikh Abdul Muhsin pour chacun de ces piliers-là. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit arkan al-salat, et il dit ensuite wa arkan al-salat 14. Al-qiyamu ma'al kudra, تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. دونك le cheikh, il les a énumérés, les 14 piliers de la salat. Le premier, c'est al-qiyam al-qudra, c'est-à-dire le fait de faire sa salat debout, c'est-à-dire d'être debout lorsqu'on en est capable. Et le deuxième, c'est takbiratul ihram, c'est-à-dire le premier takbir que tu fais pour rentrer dans la salat, ça c'est un pilier. Qira'atul fatiha, la lecture de la fatiha, c'est de réciter surat al fatiha. Ar-ruku', c'est-à-dire le fait de s'incliner devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْرَفْعُ مِنْهُ, de même que de se relever du recours, c'est un pilier aussi. وَالْسُجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَ, c'est-à-dire le fait de se prosterner sur sept membres. Et on va expliquer plus tard ce que sont ces sept membres. وَالْإِعْتِدَالُ مِنْهُ, c'est-à-dire le fait de se relever, de se redresser entre les deux prosternations. Le fait de se redresser de cette prosternation-là et ensuite de s'asseoir entre ces deux prosternations-là. Donc ça, c'est des piliers également. Et at-tama'nina tu fi jami' al-arkan, c'est-à-dire de rechercher la tranquillité, d'être posé et d'être tranquille et serein dans chacun de ces piliers-là. C'est-à-dire de ne pas être précipité, de ne pas être précipité dans la salat, mais de prendre son temps et de trouver de la tranquillité dans chacun de ces piliers lorsqu'on fait la salat. Et un autre pilier également, at-tartib, c'est-à-dire de faire les mouvements de la salat et les piliers de la salat, de les faire en ordre. Tu ne vas pas faire le sujoud en premier, puis après le qiyam, puis après le recours. Non, tu dois les faire dans un ordre spécifique. Et at-tashahhud al-akhir, c'est-à-dire le dernier tashahhud. Lorsque tu t'assois, tu récites le tashahhud, le témoignage, et ainsi de suite, la parole que tu récites à la fin. Donc ça fait partie des piliers aussi, le dernier. Et le fait de s'asseoir pendant que tu le fais. Donc ça, c'est un pilier aussi. Et as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire qu'est-ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya, la prière pour le prophète sur le prophète et sur Abraham, et les deux taslim à la fin. Quand tu te tournes à droite, tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah, et l'autre côté tu dis ça aussi. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle at-taslim, et c'est la dernière partie de la salat, c'est qu'est-ce qui fait que tu sors de la salat. Donc on a lu les 14 piliers maintenant, donc on va commencer l'explication maintenant plus détaillée de ces piliers-là et de chaque point. Donc le cheikh Abdul Muhsin, hafizahullah, il commence en disant ruknu shay fi al-lugha janibuhu al-aqwa wa as-salatu fi al-lugha ad-du'a. Donc le cheikh explique que dans la langue arabe, le terme rukn, qui est le pluriel, qui est le singulier du mot arkan, c'est le pluriel, rukn, c'est, ou ruknun, c'est le singulier. Donc, ruknun, ça veut dire un pilier. Et dans la langue arabe, ça signifie le côté le plus solide, le plus fort de quelque chose. C'est qu'est-ce qui est plus solide ou plus fort dans une chose. Donc, ça c'est dans la langue arabe. Et le cheikh explique que as-salatu fi al-lugha, donc dans la langue arabe, le terme salat signifie l'invocation. Donc ça, c'est linguistiquement, quand on dit le mot salat, ça veut dire ad-du'a. Mais le cheikh, il dit wa fi al-shar' aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit-takbir مختتمة بالتسليم وأركان الصلاة من أجزائها والفرق بين الشرط والركن أن ركن الشيء جزء منه داخل فيه وأما الشرط فليس من أجزائه بل هو إما متقدم عليه ومصاحب له كالطهارة أو مصاحب له كاستقبال القبلة. Donc le cheikh, il explique que dans la religion, le terme salat a une signification plus spécifique. Hein? Et il dit que la définition de la salat, du mot salat dans la religion, au sens religieux, dans l'islam, ce sont des paroles et des actions qui sont spécifiques et particulières, qui sont débutées ou ouvertes, hein, commencées par le takbir, et qui sont terminées ou conclues par le taslim, c'est-à-dire le fait de commencer en disant Allahu Akbar, et le fait de terminer en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça c'est At-Taslim. Et il dit c'est composé également donc de piliers, hein, de piliers. Et les piliers de la salat sont en fait ils font en fait partie de la salat. Et c'est ça la différence entre la condition de la prière et le pilier de la prière. Parce que la condition de la prière, c'est des choses qui sont nécessaires avant de faire la salat. Sinon, ta salat ne sera pas valable. Tandis que tes piliers de ta salat, c'est des choses qui font partie de la salat. Hein, que si tu ne les fais pas, ta prière ne va pas être valable. Donc, c'est ça la différence entre la condition, la shart, et le pilier ar-rukn, hein, ar-rukn. Donc ar-rukn fait partie, c'est une partie de la salat, ça fait partie de la salat, tandis que ash-shart ça fait pas partie de la salat. Soit que c'est qu'est-ce qui précède la salat, ou c'est quelque chose qui accompagne la salat, comme par exemple qu'est-ce qui précède la salat, at-tahara, la purification. Et qu'est-ce qui accompagne la salat, c'est-à-dire, par exemple, le fait d'être en direction de la Qibla. Lorsque tu tournes en direction de la Qibla, ça c'est une condition de la salat. Mais tu le fais durant toute ta salat. Donc c'est quelque chose qui est accompagné, qui accompagne la salat en même temps. Et ça c'est important de le comprendre, hein, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive aussi par rapport au terme, au mot salat, comme on a dit, dans la langue arabe, ça veut dire ad-du'a, hein, dans la signification linguistique. C'est-à-dire, avant l'islam, par exemple, les Arabes utilisaient le terme salat. Avant l'islam, avant l'avenue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant le Coran, avant que le Coran soit révélé, le mot salat, il existait chez les Arabes. Et ils l'utilisaient entre eux. Mais ils l'utilisaient pour désigner l'invocation et le du'a. C'était pas utilisé dans le sens qui est connu dans la charia de l'islam aujourd'hui ou après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et que le Coran a été révélé et que la sunna a été clarifiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien là on a su que la salat maintenant c'est devenu quelque chose de spécifique, de particulier, et on a donné sa définition. Ce sont des paroles et des actions spécifiques qui commence par le takbir et qui termine par le taslim. Ça, c'est la définition de la salat dans la religion. Et en même temps aussi, c'est intéressant de comprendre que des fois, si on parle avec des non-musulmans, par exemple, on parle avec des chrétiens ou avec des juifs, avec des koufars en général, donc ils demandent par rapport à la prière. Hein, ils demandent à propos de la prière et ils demandent, vous les musulmans, combien de fois vous priez, ou comme si ils peuvent poser la question, par exemple, on entend que vous priez 5 fois par jour, est-ce que c'est vrai? Et on dit, oui, c'est vrai, alhamdoulilah, nous on a 5 prières par jour. Et des fois ils disent, par exemple, ça m'est déjà arrivé, que certains chrétiens me disent, ah, mais vous priez pas beaucoup, en voulant dire que pour eux, 5 prières par jour c'était peu, parce qu'ils disent, par exemple, nous, on prie constamment, hein, et on prie tout le temps. On est toujours en train de prier Dieu à tout instant. On n'arrête jamais de prier. Et une des raisons pourquoi ils répondent ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils ne comprennent pas en réalité que pour nous, les musulmans, la salat, c'est une forme spécifique de prière. Mais ce n'est pas la prière. C'est-à-dire que c'est différent pour nous en islam. La salat et le dua. Hein? On distingue entre la salat et le dua et le dhikr. Hein? Tout ça, c'est des choses différentes. Mais pour les chrétiens, tout ça, ça fait partie de ce qu'ils appellent prière. D'accord? Donc, c'est important des fois de leur mentionner, de leur expliquer, de leur clarifier que lorsqu'on dit, nous, qu'on prie cinq fois par jour, qu'on fait cinq prières par jour, ça veut uniquement dire qu'on a cinq fois dans la journée une sorte de prière spéciale, spécifique, qu'on appelle la salat. Hein, et cette salat, elle a des particularités, c'est qu'elle doit être faite yani, à un temps spécifique de la journée et qu'elle est composée de paroles et d'actions ou de gestes hein, qui commencent par le takbir et qui terminent par le taslim hein, et qui, donc qui comprend aussi le fait de s'incliner, de rester debout, réciter le Coran, de s'incliner, de se relever, de se prosterner deux fois, puis de se relever, puis de refaire ça plusieurs fois selon selon la prière de la journée, puis selon yani, selon la situation. Donc, ça c'est pour clarifier que ça c'est la salat. Hein, et ça c'est particulier et c'est spécifique. Pour les hommes, c'est obligatoire de la faire en groupe, hein, cette sorte de prière-là, hein, qu'est-ce qu'on appelle salat. Pour les hommes, c'est obligatoire de la faire en groupe, hein, lorsqu'ils sont capables, lorsqu'ils n'ont pas d'excuses de s'absenter. Et sinon, pour les femmes, bien entendu, c'est pas obligatoire de le faire en groupe ou en jama'a, un peu pris à la maison. Donc ça, c'est un exemple. Tandis que, pour nous les musulmans, en plus de la salat, il y a qu'est-ce qu'on appelle les nawafil, hein, les prières surérogatoires. Et ça, c'est d'autres prières qui sont faites de la même manière que la salat, sauf que c'est un surplus de qu'est-ce qui est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais on peut en faire plus si on veut. Donc, c'est qu'est-ce qu'on appelle, hein, ad-nawafil, hein. Et il y a ar-rawatib aussi, les prières qu'on fait habituellement avant ou après chaque prière obligatoire, chaque salat obligatoire. Il y a, on peut faire salat surérogatoire avant et après aussi. Hein? Donc ça c'est un point. Deuxièmement, donc ça c'est en plus de les cinq prières, il y a d'autres prières qu'on peut rajouter si on veut volontairement pour avoir plus de bénédictions et de récompenses d'Allah. Et en plus de ça, il y a qu'est-ce qu'on appelle les du'as. Et les du'as c'est quelque chose qu'on peut faire dans la salat, à l'intérieur de la salat, et qu'on fait également à l'extérieur de la salat, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit de la journée, excepté bien entendu dans les endroits impurs comme la toilette ou des choses comme ça. On ne va pas faire de doua dans ces endroits-là ou à ce moment-là lorsqu'on fait ça, mais sinon à tout moment et en tout lieu on fait des doua. On peut demander à Allah qu'est-ce qu'on veut en silence, sans que personne autour de nous puisse même savoir qu'on est en train de demander ou d'invoquer ou de supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, les chrétiens, quand ils parlent de prière, là, c'est de doua, c'est de ça qu'ils parlent. En général, ils parlent de ce genre de prière-là. Donc ça, nous, on leur dit, dans ce cas-là, si c'est ça que vous voulez dire comme prière, hein, et bien dans ce cas-là, nous aussi, on peut prier à n'importe quel moment de la journée et un nombre illimité de fois. Hein, on peut prier même des centaines et des milliers de fois, demander à Allah, invoquer Allah, supplier Allah, glorifier Allah. Hein. Et à qu'est-ce qu'on appelle aussi l'adhkar, hein, l'adhkar. Et ça, c'est les rappels qu'on fait, et c'est des choses, des formules, des paroles de glorification, de bénédiction, de yani, et ainsi de suite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rappeler de lui, hein, pour yani, l'exalter et yani, le remercier, et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est des adhkars. Il y en a pour tous les moments de la journée, toutes les situations de la journée et toutes les actions de la journée, du moment à partir du lever jusqu'au coucher, tous les aspects et toutes les actions qu'on fait dans la vie, il y a un dhikr à dire pour le faire. Hein, il y a un dhikr à dire pendant qu'on fait cette action-là, ou avant ou après, avant de manger, après de manger, en s'habillant, par exemple, en sortant de la maison, en rentrant à la maison, en rentrant à la mosquée, en sortant à la mosquée. Yani, les rappels du matin, les rappels de la soirée. Adhkar al-sabah ou Adhkar al-masa, comme on dit en arabe. Et donc, et ainsi de suite. Il y a des rappels pour toutes ces choses-là. Et pour tous les différents détails, il y a des petits livres même qui se vendent avec les adhkar qui sont tirés de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne chacun de ces adhkar pour les différentes occasions de la journée, différents moments de la journée. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam aussi. Donc ça veut dire que le musulman, en réalité, s'il respecte ça et qu'il suit ça, même si ce n'est pas obligatoire, mais s'il les applique et il fait des efforts pour les appliquer, eh bien, il reste en rappel d'Allah, hein, et en prière 24 heures sur 24. Hein. Il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani sans arrêt, tout au long de sa journée. Il n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc ça, c'est pour répondre aux chrétiens quand ils parlent, hein, et qu'ils prétendent qu'on prie peu, parce qu'on prie juste 5 fois par jour, et qu'eux, ils prient beaucoup, parce qu'ils pensent qu'ils font des doigts toute la journée. Donc ça c'est juste une partie. La salat, c'est juste une partie de notre adoration, mais ce n'est pas toute l'adoration au complet. Hein? Donc ça, c'est très important. Puis il y a aussi, par exemple, à propos des adhkar, juste un petit détail à rajouter en plus, c'est qu'il y a parmi les sectes déviées de l'islam, une secte qu'on appelle les soufis, les soufistes, et eux, ils ont inventé, parce que dans leur secte, dans les sectes soufis, ils ont un cheikh qu'ils suivent, ou un gourou, et ce cheikh-là leur invente toutes sortes de prières qu'il a inventées lui-même. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ces prières qu'ils ont inventées, ou ces rappels qu'ils ont inventés, qu'est-ce qu'ils appellent injustement du zikr, eh bien, ils ont rajouté à ça des paroles, parfois, qui sont des paroles de shirk, hein, le fait de demander à des créatures, hein, et de demander à un prophète ou à un saint, donc ça, c'est du shirk, aussi de glorifier une créature avec exagération, en lui donnant des attributs divins ou des choses comme ça, comme ce qu'ils font parfois lorsqu'ils glorifient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'ils glorifient leur cheikh et des choses comme ça. Ils exagèrent dans la glorification au point de les élever à des niveaux de divinité ou des choses comme ça. Donc ça, c'est dangereux, ça c'est shirk, hein, c'est le plus grand péché. Et également aussi, c'est qu'ils rajoutent à leur zikr un nombre spécifique qui ne fait pas partie des principes de la sunna. Hein, et ils inventent leur propre zikr, parfois qui contiennent des paroles qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et ils disent, tu dois le dire par exemple à tel moment et un tel nombre de fois, alors qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna, pour désigner un moment spécifique pour cette parole-là de la journée. Et il n'y a pas non plus de preuves pour désigner le nombre de fois en particulier que tu dois le faire. Donc ça, c'est la preuve que yani, les soufis, lorsqu'ils désignent ce genre de nombre et l'endroit où ils doivent le faire, où on doit le faire par exemple, ils font ça parfois sans que ce soit basé sur aucune référence et aucune preuve de la sunna authentique. Et dans ce cas-là, c'est totalement faux, c'est batil, et ça fait partie des innovations des soufis. Et sans oublier également que certains des adhkar des soufis, ils ont rajouté dedans de la musique, des percussions, et parfois même des chants et des danses qu'ils font durant leur adhkar ou leur cérémonie. Donc ça aussi, ça fait partie des innovations, des bid'ahs qui sont rejetées en islam, parce que les innovations sont interdites sans exception. Et il n'y a pas de bonne innovation, tout comme il n'y a pas de bon péché, hein, la même chose. Il n'y a pas de bon péché et il n'y a pas de bonne innovation. Il n'y a que des mauvais péchés, hein, et il n'y a que des mauvaises innovations, c'est la même chose. Donc ça, c'est ce que je voulais rajouter juste par rapport à ça ici, par rapport à la salat, pour que les gens puissent savoir la différence et qu'ils sachent par rapport au christianisme la différence dans l'islam entre ces choses-là. Et même si tu retournes par exemple dans les livres des chrétiens et des juifs, tu retrouves que dans leurs livres, même dans leur livre qui est aujourd'hui falsifié, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau, tu retrouves des exemples où on montre que les prophètes se prosternaient, s'inclinaient, posaient leur visage par terre devant Allah subhanahu wa ta'ala par crainte d'Allah et par respect pour Allah. Donc c'est pas quelque chose qui est innové dans l'islam, c'est quelque chose qui existe chez les prophètes, chez tous les prophètes d'Allah, la prosternation. Sauf que c'est quelque chose que les chrétiens et les juifs ont abandonné. Et tu trouveras rarement ou presque jamais des chrétiens ou des juifs se prosterner, puisque yani, ils ont rejeté cet aspect qui fait partie de l'exemple des prophètes, de la tradition des prophètes. Il n'y a que les musulmans, par la grâce d'Allah, qui se sont accrochés à l'exemple des prophètes dans cette question-là. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ça, c'est une des grandes aspects qui montre la véracité de l'islam et l'attachement de l'islam à l'exemple des prophètes d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ensuite, le cheikh, il dit donc, comme on a expliqué, il parle maintenant du premier pilier. Qawluhu ar-ruknul awwal. Donc le premier pilier, al-qiyamu ma'al-qudra, le fait de prier, yani, de façon, yani, en commençant en étant debout. Tu pries debout, lorsque tu te tiens debout, lorsque tu en as la capacité. Et le cheikh il dit, wa-dalil qawluhu ta'ala, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, wa qumu lillahi qanitin. Donc, c'est le verset 238 dans Surat al-Baqarah. Le Cheikh dit le premier pilier, c'est de se tenir debout avec la capacité lorsqu'on est capable. Et la preuve, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et garder les prières ou les salawat. Et la salat al-wusta, c'est-à-dire la prière du milieu. Et les ulama dans le tafsir, ils expliquent que salat al-wusta, c'est la prière de Asr. Donc, préservez les prières et la prière de Asr. Et tenez-vous devant Allah en obéissance, en étant obéissant. Donc, tenez-vous devant Allah en étant obéissant. Et le cheikh explique, il dit, يجب في صلاة الفرد أن يصلي المرء قائما إذا كان قادرا على القيام. ومن صلى جالسا مع قدرته عليه لم تصح صلاته ويدل لذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. Donc le cheikh, il dit, il est obligatoire de prier la prière qui est obligatoire, de la prier lorsque tu es debout, si tu en as la capacité. Et celui qui prie assis alors qu'il a la capacité de prier debout, sa prière n'est pas valable. Celui qui prie assis alors qu'il a la capacité de prier debout dans sa prière obligatoire, alors sa prière ne sera pas valable. Et la preuve de cela, c'est dans le hadith rapporté selon Imran ibn Hussein dans Al-Bukhari, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, prie debout. Et si tu n'es pas capable, alors assis. Prie assis. Et si tu n'es pas capable de prier assis, alors prie sur ton côté, sur ton flanc. Sur le côté, allongé sur ton côté. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 1117. Et donc, c'est pour dire que si tu es capable de prier debout, et qu'il n'y a rien qui t'empêche de prier debout, et que c'est la prière obligatoire, tu es obligé, dans ce cas-là, de prier debout, Mais tandis que si quelqu'un, par exemple, il a une maladie, ou qu'il est handicapé, ou qu'il a mal, il a mal dans ses jambes, il ne peut pas se tenir debout, dans ce cas-là, il est excusé. Hein? Il n'est pas obligé, dans ce cas-là, de prier debout, puisqu'il a une excuse valable. Il est malade, donc il prie assis. Toutefois, si le fait de prier assis, c'est trop difficile pour lui, et qu'il n'est pas capable non plus de rester assis, eh bien, dans ce cas-là, il a le droit de faire sa prière dans la position dans laquelle il est capable. C'est-à-dire, s'il est allongé ou couché sur le côté ou sur le dos et qu'il n'est pas capable de bouger, il est à l'hôpital, il est paralysé ou des choses comme ça, eh bien, il prie couché. Hein. Donc, ça, c'est pour montrer en même temps la miséricorde de l'islam et la facilité de l'islam. Que l'islam, elle est facile. Et que si tu es dans une situation où il y a une difficulté, hein, où il y a une incapacité, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te permet, dans ce cas-là, de prendre une excuse, hein, de prendre une excuse pour la faire, pour faire ta prière dans la position que tu es capable. Et ça, c'est un exemple de ça. Il dit, « Amma fi salati nafila, fayajuzu an yusalliha wa huwa jalis, wa ajruhu ala nisfi min ajri al-qa'im. » Donc, le cheikh dit, en ce qui concerne par contre la prière surérogatoire, la prière qui n'est pas parmi les prières obligatoires, s'il fait une prière supplémentaire, il est permis dans ce cas-là pour lui de prier assis. Toutefois, il aura uniquement la moitié de la récompense de celui qui prie debout. S'il prie assis durant sa prière surérogatoire, et qu'il est capable de rester debout, il a le droit. Il a le droit de prier assis, s'il veut, dans la prière surérogatoire. Toutefois, il n'aura que la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et le cheikh il dit, « وَالْأَفْضَلْ أَنْ يُصَلِّيهَا قَائِمًا لِيَحْصُلَ الْأَجْرَ كَامِلًا » Ça, c'est clair. Le cheikh il dit qu'il est mieux, par contre, de prier debout, pour qu'il puisse avoir la récompense complète. Hein, ça c'est évident. Et le cheikh il dit li hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fi dhalik akhrajahu Muslim. Donc il dit qu'il y a un hadith à ce sujet qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith 735. Il dit ensuite, وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَرِيضُ أَنْ يُصَلِّي قَائِمًا فَصَلَّ الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ جَالِسًا فَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. Donc ça c'est un autre élément. Ici, un autre élément que le cheikh mentionne qui nous montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité. Puisque le cheikh il dit, si quelqu'un est malade et qu'il prie, qu'il n'est pas capable de prier debout, donc il prie assis, hein, ou couché, et qu'il prie sa prière qui est obligatoire ou surérogatoire, assis, hein, ou couché ou autre, eh bien, dans ce cas-là, il aura la récompense complète. Pourquoi? Parce que il est malade, ou il est blessé, ou quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, il n'aura pas que la moitié de la récompense, comme celui qui prierait une prière surérogatoire assis alors qu'il est capable de prier debout. Lui, il a la moitié. Tandis que s'il est malade, ou qu'il est blessé, ou qu'il a une raison, hein, valable de ne pas la prier debout parce qu'il est incapable, et qu'il prie assis, que ce soit la prière obligatoire ou la prière surérogatoire, dans les deux cas, sa prière est récompensée au complet, comme s'il était pas malade. Il a la récompense complète. Et c'est basé sur le hadith rapporté selon Abi Musa radiallahu anhu, qui dit que lorsque le serviteur Lorsque le serviteur est malade ou qu'il est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit ce qu'il faisait comme action de bonnes œuvres lorsqu'il était lorsqu'il était résident chez lui, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas en train de voyager, et lorsqu'il était en lorsqu'il était en bonne santé, lorsqu'il n'était pas malade. Donc, si vous avez bien compris, le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 2996 dans Sahih Al-Bukhari. Donc, il dit que lorsque le serviteur est malade ou qu'il est en voyage, Allah lui écrit la récompense de ce qu'il faisait comme bonne action lorsqu'il était chez lui, qu'il n'était pas en voyage, et lorsqu'il était en bonne santé. Donc, pour expliquer ça et pour illustrer ça, supposons que quelqu'un, il est en bonne santé, et lui, quand il est en bonne santé, il prie debout, il prie toutes ses prières sur un rogatoire, et ainsi de suite. Il est chez lui, il est en bonne santé, il fait toutes ses prières normales, il jeûne, il fait des bonnes œuvres, constamment et régulièrement. Puis, tout d'un coup, il tombe malade, donc à cause de sa maladie, eh bien, il ne peut plus continuer à faire sa prière debout, donc il prie assis ou couché, et il ne peut plus faire le jeûne, par exemple, qu'il faisait, le jeûne surérogatoire, et il ne peut plus faire autant de bonnes actions qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé à cause de son état. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui continue à lui écrire toutes les bonnes œuvres qu'il faisait d'habitude lorsqu'il était en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de le faire et qu'il a été empêché de le faire par sa maladie. Donc ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça veut dire que si quelqu'un il tombe malade et qu'il est triste par exemple parce qu'il dit ah c'est dommage parce que lorsque j'étais en bonne santé je faisais ci, je faisais ça, je faisais telle bonne action, maintenant je suis malade donc je ne peux plus le faire, eh bien, il ne doit pas être triste, parce que, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quand même la récompense pour ça. Et la même chose pour la personne qui est en voyage. Quelqu'un qui, lorsqu'il est chez lui, dans son pays, dans sa ville, et qu'il va régulièrement, par exemple, faire des bonnes œuvres et des bonnes actions, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ça. Puis lorsqu'il part en voyage, et qu'il doit se déplacer, eh bien, à cause de ses déplacements et à cause de son voyage, parfois, il n'est pas capable, bien entendu, de continuer à faire le même rythme de ses bonnes œuvres qu'il faisait chez lui, dans son pays, lorsqu'il n'était pas en voyage. Mais à cause de l'habitude qu'il avait de faire ces bonnes actions-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala continue quand même à lui écrire ses bonnes œuvres telles qu'il les faisait dans son pays. Et il ne lui diminue pas ses bonnes œuvres malgré tout. Ensuite, le cheikh il explique, il dit le deuxième pilier, ar-rukn al-thani, donc qawluhu al-thani, yani takbiratul ihram. Takbiratul ihram wad-dalil, yani wad-dalil. حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Donc le cheikh explique que le deuxième pilier de la salat c'est التكبيرة الإحرام. التكبيرة الإحرام et c'est basé sur la preuve, c'est basé sur le hadith تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu rentres dans la salat? C'est le takbir. Et qu'est-ce qui fait que tu sors de la salat? C'est le taslim, le fait de dire assalamu alaikum. Le takbir, ça veut dire le fait de dire Allahu Akbar. Et le taslim, ça veut dire le fait de dire assalamu alaikum. Donc, c'est la preuve que le takbir, c'est un takbir à tous les haram, en particulier le premier takbir. Parce qu'il y a une différence entre les takbir et le takbiratul ihram. Takbiratul ihram, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais c'est pour faire comprendre que takbiratul ihram, ça désigne le premier takbir que tu fais quand tu commences ta prière au tout début. Hein? Tu dis Allahu Akbar, ça c'est takbiratul ihram. Et ce takbir-là, il est particulier. Parce que c'est celui qui te fait rentrer dans la salat. Et ça, c'est la preuve que ce takbir en particulier, c'est un rukun, c'est un pilier. Hein? Et le cheikh, il explique. شيخ عبد المحسن يلتي تكبيرة الإحرام أول تكبيرات الصلاة وهي في الصلاة كالإحرام في الحج والعمرة وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة أمور كانت حلالا له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه وقال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وانظر إرواء الغليل. Donc le cheikh il explique ici, il dit que le takbiratul ihram, le takbir de l'ihram qu'on appelle en arabe, c'est le premier takbir que tu fais dans la salat. Et il est appelé ihram comme dans le hajj on appelle l'ihram pour le hajj et l'umra, on appelle ce takbir par le même nom. On appelle le takbir par le même nom que l'ihram dans le hajj et dans la umrah. Pourquoi? Parce que l'ihram, ça veut dire le fait d'entrer dans un état sacré, un état de sacralisation. Ça veut dire que c'est un état, comme par exemple quand tu vas faire le hajj ou la umrah, c'est un état dans lequel il y a des choses qui te deviennent haram, qui deviennent haram pour toi, qui auparavant, avant d'entrer dans cet état, étaient halal. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un état d'ihram. C'est un état dans lequel il y a des choses qui deviennent haram pour toi, alors que en temps normal ou pour quelqu'un qui n'est pas dans cet état-là, elles sont halal. Et donc, c'est la même chose pour la salat. Lorsque tu rentres dans la salat, tu fais takbiratul ihram, le takbir de l'ihram, et lorsque tu fais ce takbir, il y a des choses qui étaient halal pour toi qui deviennent tout d'un coup haram. Et parmi ces choses, par exemple, le cheikh il mentionne le fait de manger, de boire, de parler, de bouger, pour autre que les mouvements de la salat, ça devient haram pour toi. Donc, on l'appelle takbiratul ihram parce que tu rentres dans cet état de sacralisation. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à propos de la salat, il dit tahrimuha takbir. Donc il dit que qu'est-ce qui est le tahrim de l'ihram de la salat, c'est le takbir. Le fait de dire Allahu Akbar, c'est comme l'ihram pour la salat. Et at-tahlil, qu'est-ce qui fait que tu sors de l'état de sacralisation et que tu redeviens dans qu'est-ce qui est considéré comme étant la désacralisation? C'est-à-dire que tu peux maintenant faire ce qui était haram pour toi durant la prière, eh bien, c'est At-Taslim qui te fait sortir de cet état-là. C'est-à-dire le fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, ça, c'est At-Taslim. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et d'autres également, selon Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et il a dit dans ce hadith que c'est. Qu'est-ce qu'il y a de plus authentique dans ce chapitre et dans cette question par rapport à ce chapitre? Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Et il réfère les gens au tahqiq de Cheikh Al-Albani qui s'intitule Irwa ul-Ghalil, le hadith numéro 301. Ensuite, il dit le Cheikh wa ba'daha. يعني بعدها يعني بعد تكبيرة الإحرام وهو سنة يعني بعدها الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح وهو سنة. Donc le cheikh il dit après le takbirat al-ihram il y a une sunna, ça ne fait pas partie des piliers mais il y a une sunna importante, c'est dua ou l'istiftah, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture en commençant tu dis Allahu Akbar et là tu commences à faire un dua et on appelle ce dua dua ou l'istiftah, hein? La racine ça vient de fataha, fataha yaftahu qui veut dire ouvrir. Hein? Donc c'est le dua par lequel tu ouvres ta prière. Et il y a plusieurs formes de dua al-istiftah. Il y a plusieurs formes de dua al-istiftah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, il y en a plusieurs. Et on peut choisir celle qu'on désire. On peut choisir de faire le dua qu'on veut. On n'est pas obligé d'en faire un en particulier tout le temps. Et c'est bien même, les ulama disent que c'est bien, de changer de temps en temps. D'en faire un une fois, puis une autre fois de faire un autre, hein, et de toujours changer, yani, régulièrement de dua istiftah. Ensuite, donc, le cheikh il explique, il dit wa huwa sunna. Qawlu subhanaka Allahumma wa bihamdik. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. C'est-à-dire le dua de l'istiftah. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحانك اللهم, le cheikh il explique, ومعنى سبحانك اللهم اي انزهك التنزيه اللاحق أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. Donc سبحانك اللهم, ça veut dire je t'exalte et je te purifie de la purification qui te convient selon ta majesté et ta grandeur et ta majestuosité. وبحمدك أي ثناء عليك. Et par ton exaltation, par ta glorification, par ton éloge, l'éloge que je te fais. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ أي الْبَرَكَةُ تُنَالُ بِذِكْرِكَ. C'est-à-dire que soit béni ton nom. C'est-à-dire qu'on puisse obtenir en mentionnant ton nom et en te mentionnant yani la bénédiction. Wa ta'ala jadduk ay jallat 'azamatuk. Ta'ala jadduk, ça veut dire yani que ta grandeur soit glorifiée, hein, que ta grandeur soit exaltée. Et le terme ici jadduk, ça veut dire al-jalal wal 'azama. Donc jadduk ici, c'est dans le sens de ta grandeur et ta majesté. Comme dans le verset dans Surat al-Jin, « وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا » Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا » Que la grandeur et la majesté de notre Seigneur soient exaltées. C'est ça ce que ça veut dire. Et dans le dua qu'on dit après la salat, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Et là dans ce cas-là, al-jad ça veut dire une autre signification qui signifie al-hadd wal-nasib. Al-hadd wal-nasib, c'est-à-dire ولا ينفع ذا الحظ, يعني ولا ينفع ذا الحظ عند يعني ذو حظ ولا ينفع ذو حظ حظه عندك. C'est-à-dire, celui qui a une part ou une portion, quelque chose de la dunya, ça ne peut rien lui profiter auprès de toi. C'est-à-dire que la seule chose qui peut profiter auprès de toi, c'est yani, les bonnes œuvres et la foi, et non pas la richesse ou yani, d'avoir une portion ou une part de la dunya. Donc ça, c'est dans le dua qu'on dit après la salat. Jad, dans ce cas-là, ça veut dire la portion ou une part. Tandis que ici, dans le dua qu'on fait au début de la salat, ça a une autre signification, c'est-à-dire la grandeur et la majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ta'ala jadduk. Et aussi, bon, en arabe, le terme jadd, il peut avoir différentes significations selon la phrase, selon le contexte. Ici, c'est la majesté, la grandeur. Dans l'autre dua qu'on a mentionné, ça veut dire la portion, la part, hein, la richesse. Et dans d'autres contextes, ça peut vouloir dire Al-Jadd, c'est le grand-père. Hein? Donc, il ne faut pas mélanger les différentes significations. Si quelqu'un ne connaît pas bien l'arabe, il va voir ici Jadduk, ça ne veut pas dire ton grand-père. Hein? Il ne faut pas mélanger les choses ici. Parce qu'on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on ne peut pas lui attribuer de fils ou de père ou des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qul hu Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'est pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc il faut bien comprendre ça aussi. Wa la ilaha ghayruk. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, excepté toi. Ay la ma'bouda fil ardi wa la fil sama'i bi haqqin siwak. Ya Allah. C'est-à-dire, il n'y a rien dans les cieux et sur la terre qui mériterait d'être adoré autre que toi, ô Allah. Il n'y a rien sur la terre et dans les cieux qui mérite d'être adoré en dehors de toi, ô Allah. Hein? Wala ilaha ghayruk. C'est ça ce que ça signifie. Et le Cheikh il dit ensuite wal ityanu bi du'a al-istiftah sirran ba'da takbirat al-ihram wa qabla al-qira'ah min sunan as-salat wa mustahabbatiha. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسياق متعددة ويأتي المصلي بأحدها في صلاته ولا يجمع بينها في صلاة واحدة وهذا الذي ذكره الشيخ أحدها وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم وانظر إرواء الغليل ثم إن الشيخ رحمه الله شرح هذا الدعاء في الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به وإثبات كل كمال يليق به وتبارك على وزن تفاعل من البركة وكل خير وبركة إنما تنال بذكره سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il explique ici, il dit donc que le fait de mentionner ici le dua de l'ouverture, on le dit à voix basse. On ne le dit pas à haute voix. Et on le dit après avoir fait takbiratul ihram. On dit Allahu Akbar, puis là à voix basse ensuite, en soi-même, ou bien en voix, c'est-à-dire quand on dit en soi-même, c'est-à-dire de voix, à voix basse de façon à ce que personne ne puisse t'entendre à côté de toi, sauf toi-même. Hein, tu bouges tes lèvres, tu le mentionnes, sauf que tu le mentionnes yani, en chuchotant à toi-même, hein, pas pour que quelqu'un à côté de toi puisse t'entendre, pour que tu ne déranges pas les gens à côté de toi lorsque tu fais ta salat en groupe. Donc, tu dis Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Donc, ça, c'est un exemple de dua al-istiftah. Et le cheikh explique que ça a été rapporté de façon authentique, hein, et ça fait partie des choses qui sont parmi les sunnas de la prière et les choses recommandées. Les choses recommandées, ça fait pas partie des piliers. Ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est authentique, rapporté de façon authentique, qu'il l'a fait, le dua al-istiftah, de différentes façons, différentes formulations. Et la personne, quand elle fait sa salat, elle doit en faire, elle en fait une de ces différentes sortes-là. Si elle ne fait pas de dua al-istiftah, sa prière va être quand même valable. Hein? Sa prière va quand même être valable. Sauf qu'il perd des récompenses. Il perd des récompenses quand il la néglige. Et il manque une sunnah dans sa prière. Hein? Et le cheikh, il dit que il y en a plusieurs, tu en fais une dans ta salat, un de ces du'a al-istiftah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, sauf que tu n'en fais pas plus qu'une formule dans la même prière. Tu fais une seule dans la prière. Tu ne vas pas en faire plusieurs en même temps. Et il dit, le cheikh ici, il en a mentionné une des différentes formes. Et cette version qu'il a ramenée, elle est rapportée selon Omar, Aïcha et Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhum. Et ici, il mentionne ou il réfère au livre Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 340 et 341 dans le Tahqiq de Cheikh al-Albani. Puis il dit, Thumma inna al-Sheikh, donc ensuite le Cheikh il a expliqué ce dua. Il a expliqué ce dua en mentionnant que c'est un dua qui réunit entre la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et la purification d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'exalter et le purifier de tout ce qui ne lui convient pas parmi les défauts, hein, les imperfections, les faiblesses, hein, on le purifie de tout ça, hein. Et c'est ce que ça veut dire quand on dit Subhanallah. Quand on dit Subhanallah, ça signifie que Allah soit purifié de toute faiblesse, de toute imperfection, de tout défaut, hein. Yani pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de tout ça et purifié de tout ça. Ensuite, il dit wa ithbatu kulli kamalin yaliqu bihi, et en même temps, c'est l'affirmation de toute perfection qui lui convient. Et tabaraka, c'est sur la forme tafa'ala en arabe, qui vient de la baraka. Yani tabaraka qui vient du mot baraka. Et la baraka, hein, c'est-à-dire que c'est une bénédiction. Hein, c'est une bénédiction, le fait d'augmenter dans le bien, qu'Allah augmente dans le bien. Et ici, quand on dit tabarakasmuk, c'est-à-dire que tout le bien et toute la bénédiction ne vient que par la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne des exemples de ça dans le Coran et dans les paroles, dans les hadiths. Donc il dit kama qala Allah azza wa jalla ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa qala fadhkuruni adhkurkum wa qala sallallahu alayhi wa sallam mathalu alladhi yadhkuruni aw yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu مثل الحي والميت رواه البخاري ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه. Donc il dit de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ce qui signifie, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ou trouvent leur calme, trouvent la sérénité, certes, hein? Et il mentionne également un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit fadhkuruni adhkurkum, c'est-à-dire souvenez-vous de moi et je vais me souvenir de vous. Et il mentionne un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith 6407, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui se souvient de son Seigneur ou qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, c'est comparable à un vivant et un mort. Donc celui qui se rappelle d'Allah, c'est un vivant, et celui qui ne se rappelle pas d'Allah, il est comme un mort. C'est ça ce que ça signifie, et c'est rapporté selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Et il dit وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْإِسْمِ الْأَسْمَاءِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ إِضَافَةِ الْمُفْرَدِ إِلَى مَعْرِفَةٍ فَيَعُمُ. Donc, le cheikh explique qu'il dit que ce soit possible que, quand on mentionne le nom, Tabarakasmuk, que ton nom soit béni, que ça implique en fait les noms, que ce soit en fait pour désigner tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas son nom, en voulant dire un nom seulement. Et donc, ça viendrait dans le sens de le terme qui est singulier, mais qui est associé à un nom défini. Dans ce cas-là, ça le rend général. Ça veut dire que ça impliquerait que tous les noms sont bénis. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bénis. Et il mentionne les preuves ou les exemples de ça lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets « وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Comme par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, si tu calcules la grâce d'Allah, tu ne peux pas la dénombrer. Donc, le terme ni'ma, ici, il est mentionné au singulier, mais le fait qu'il soit yani, associé à Allah subhanahu wa ta'ala ici, bien ça implique qu'il est défini par yani, cette association-là. Donc, ça implique que c'est quelque chose qui est général. Et donc, bien entendu, les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables. Hein? Et donc, c'est tous les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnées, même si c'est le singulier qui est mentionné. Et la même chose pour les noms, lorsqu'on dit Tabaraka Smuk, eh bien, c'est tous les noms d'Allah qui sont une source de bénédiction, et non pas un seul d'entre eux. Wa Ta'ala Jadduk, comme on l'a expliqué dans l'explication à ce moment-là, et cette explication que j'ai mentionnée par rapport à la signification du terme Jadd, c'est pas de moi-même, bien entendu. Alhamdulillah. Non, c'est parce que le cheikh, il a fait des audios de ces cours-là. Et le livre en question, bien, il est, si on veut, tirer de ces cours qu'il a fait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avant les cours, bien entendu, j'écoute les audios du cheikh pour avoir une meilleure compréhension. Puis en même temps, je prends des notes. Et parmi les notes que j'ai prises, il y avait la note à propos de l'explication du terme « jadd » et la différence entre ces différentes significations. Donc c'est ça. Dans les cours audio, il y a des points qui sont détaillés que le cheikh n'a pas détaillé nécessairement dans le livre. Hein, il y a des détails qui ne sont pas disponibles dans le livre. Donc moi je me réfère au cours audio aussi pour rajouter des clarifications et des détails. Et là, donc ici donc c'était un exemple de ça. Il dit wa huwa mithlu qawlihi ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Hadhihi al-kalimat al-thalath allati ja'at fi hadha ad-du'a وهي سبحانك وتبارك وتعالى لا تقال إلا لله تعالى فلا يقال لغيره سبحانك وتباركت وتعاليت لا ولا سبحانه وتبارك وتعالى. Donc le cheikh il explique, il dit c'est comme l'exemple. Yani, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 3 dans surat al-Jinn wa annahu ta'ala jaddu rabbina, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté, la grandeur d'Allah, de notre Seigneur soit exaltée, il n'a pas pris de compagne, il n'a pas pris d'enfant. Et le terme, les trois termes qui sont mentionnés dans ce dua, subhanaka et tabaraka et ta'ala, ces trois termes, on ne peut les mentionner ou les dire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit de dire à propos de quelqu'un d'autre que Allah subhanak, et on n'a pas le droit de dire tabarakta, et on n'a pas le droit de dire ta'alayta. Ça c'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas les dire pour un être humain, pour un prophète, ou pour un roi, ou pour une personne importante, on le dit pas pour une créature, on le dit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Naam. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours à partir des autres clarifications et des autres points qui sont mentionnés par le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله à samedi, le cours de samedi, إن شاء الله on se retrouve. Et sinon les cours de comme je disais, les cours de lundi, mardi et mercredi vont être diffusés sur la radio. On va annoncer, inshallah, les heures lorsqu'on va les diffuser, inshallah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.